Les personnalités de divers pays admirent la Corée. La présidente de l'Union des femmes Kim Jong-suk de Russie, le président du Centre d'études des aies du Jutsu du Brésil, le directeur de l'Institut agronomique Kim Il-sung de Guinée et autres personnalités de divers pays qui avaient visité la Corée à l'occasion de la Journée du Soleil ont dit qu'ils ont reconnu une fois de plus le potentiel puissant de la Corée Jutsu à travers le défilé militaire et la manifestation des masses de la ville de Pyongyang consacrée au 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung. Ils ont ajouté que la Corée, guidée par les idées du Jutsu, est un pays qui manifeste son prestige par le Jutsu et le Sungun et se développe par la capacité de se renforcer elle-même et qui crée des richesses pour le peuple à l'envi du monde malgré la sanction, le blocus et la pression des forces hostiles. Ils ont souligné que c'est grâce au potentiel militaire puissant et à l'unité monolithique que les Coréens vivent sans aucune inquiétude ni peur dans la pire situation.